Mesure de Mais je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et qu'à départ, sa main me crie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire, l'air enfin sonnera. Bientôt à Dieu, chose immortelle. je prendrai des ailes vers les demeures éternelles vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, joignez-vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles vers Jésus-Christ. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, je m'attends. Oh, ma tâche qui me défend dans un ou deux fois, le doute le plus est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve, quand se lève, a dit le Seigneur. Dieu m'observe, qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Dieu de grâce, que ta face luise à mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta porte de main. Toute puissance est à toi, souviens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois, ma victoire. Ce cantique nous fait comprendre que près du trône, tu vas pouvoir atteindre le vainqueur. Bien aimé, nous sommes censés donc, nous sommes censés aller jusqu'au bout. Amen. Cette marche que nous avons entreprise, qui est une marche non selon la chair, mais par l'esprit, nous avons des challenges, nous et nous, le Seigneur nous intervient à vaincre. Alléluia. Et il dit, frère, il dit qu'on se lève, a dit le Seigneur, d'obéir, soyons heureux. Donc, le sens du Seigneur, doit être connu, pas comme un diable. Nous devons obéir au Seigneur, et dans le résultat de la joie. Amen. Il dit, point de tiers, du peureux, le fidèle nous appelle à venir au soutien de Dieu. Donc, frère, soyons bouillants. Soyons fervents d'esprit, comme a dit le Seigneur. Et le 4 nous dit que le 3 nous dit d'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Je m'observe, je préserve mon pied de vie. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois. Donc, que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, il faut donc que nous soyons l'ennemi dans la terre. Est-ce que nous pouvons prier? Le Seigneur nous a dit de prier et de prier. Amen. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que la tentation doit venir. Et si nous ne veillons pas, nous ne prions pas, quand il viendra, nous serons les tribus à y tomber. Donc, bien aimé, selon ce que le Seigneur dispose de nous et dans la prière, j'aimerais que chacun de nous examine l'état de son cœur devant le Seigneur. Amen. Amen. Que chacun de nous examine l'état de son cœur devant le Seigneur. Nous avons certainement été pris par les occupations de la journée. Et quelque part, nous l'avons certainement offensé. Et j'aimerais que d'un cœur sincère, d'un cœur juste que nous puissions venir dans la vie, pour que nous disions, Seigneur, merci déjà de nous avoir gardé au déchet, malgré tout ce qui a été sur notre chemin comme obstacle. Nous poussant la tentation, tu nous as gardé, tu nous as préservé. Et nous voici les deux doigts. Nous élevons la voix et nous te présentons nos prières. Prie dans ton cœur, prie selon que le Saint-Esprit te conduit. Et fais-le, si tu es sincère, si tu es juste avec le Seigneur, qui te rendra selon ta justice. Amen. Père de grâce, l'éternel notre Dieu, toi le rocher protecteur, toi le Dieu tout puissant, toi par qui et pour qui subsistait toute chose. Seigneur, nous voici prosternés devant toi, ô Dieu, comme tu nous l'as demandé, Seigneur, de nous approcher devant ton trône de grâce, ô Seigneur, avec assurance, afin d'obtenir l'abondance miséricorde. Il est ce que nous avons besoin. Seigneur, toi qui connais l'état de nos pères, toi, ô Dieu, qui sors de le cœur et le cœur, et qui connaît les pensées les plus cachées de nos pères. Seigneur, nous venons de les exposer, ô Dieu. Toi qui es souverain, toi qui es tout puissant, Seigneur. Toi qui as vu, ô Seigneur, toutes les occupations que nous avons eues en ce jour, et dans lesquelles, Seigneur, nous n'avons pas été intègres et justes devant toi, ô Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que, dans nos moments de faiblesse, tu nous as secourus, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Mais Père, tu nous interpelles, ô Dieu, à nous dire, ô Seigneur, exemple de tout, de tout, de tout ce qui est, de toutes sortes de, ô Seigneur, de toutes sortes d'impuretés et d'impudicités, Seigneur. Mais en ce moment même, nous sommes conseillés devant toi, chacun. Ô Seigneur, pour sa part, nous élevons la voix

Seigneur, tu es souvent pour Dieu. Tu ne prends pas avoir des égards de l'église, mais comment les toi. Oh Seigneur, si nous marchons selon la vanité de nos parties, que nous ne pouvons pas avoir des regards unis uniquement de toi dans les réactions de la difficulté. Si nous marchons selon, ô Seigneur, la vanité que nous produisons nos pensées, ben nous faisons appel à toi, ô Dieu de grâce, afin que tu puisses, ô Seigneur, ôter tout obstacle, ô Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous empêche de saisir vers la révélation de ta parole, qui nous empêche, ô Dieu, de marcher dans cette révélation, afin que nous puissions être à mesure, ô Dieu, de marcher la tête en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au pouvoir de nos yeux, donne-nous de saisir le sens, ô Dieu, de ta révélation. Donne-nous de comprendre le sens de ta création, ô Dieu. Père, nous te supplions. Frère, sujet de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est bon à mon Dieu, toi le Dieu fidèle, juste, bon et tout, toi, ô Seigneur, tout ce qui est bon à moi, de tout cela fait, nous pouvons se déplacer, ô Dieu, pour aller à ce que tu es, Seigneur. Nous vont m'envoyer, ô Seigneur, pour Dieu, afin que tu établis ta main de protection, ta main de grâce, que tu puisses être en train de voyager, que tu leur accordes, ô Dieu, Seigneur, ta protection, Père. Que tu leur accordes la protection, ô Dieu. Père, accorde-nous ta protection, ô Dieu. Et donne que tout se déroule, ô Seigneur, selon que tu as prévu d'avance, Père. Seigneur, merci de toi de prendre l'avance, ô Dieu. Merci de nous avancer, Père, ce programme, ô Seigneur, afin que tout soit fait selon ta volonté, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, de l'homme, nous t'adorons. Parce que tu nous soutiens, Dieu, et que tu nous écoutes, ô Seigneur, lorsque nous te demandons, Père, il y a des choses. Père, tu as entendu ta gloire, Dieu. Merci de nous exaucer, Père, au nom de Jésus de Nazareth. La semence est tombée et qui a produit du fruit en abondance. Seigneur, nous te supplions, ô Dieu, Père, doter de nos vies, de tout ce qui nous empêche, ô Dieu, des marchés dans la main de Dieu. Et tout ce qui nous empêche, oh Dieu, et tout ce qui a tendance à nous éloigner de ta volonté, Père, oh cela, Seigneur, nous te supplions pour nous, Dieu. Seigneur, nous t'en supplions. Oh Dieu, accorde-nous la capacité, Père, la capacité, Père, la capacité, oh Dieu, d'accepter, d'accomplir ta volonté, Seigneur. Père, la capacité, oh Dieu, d'accepter, d'aimer ta volonté afin de l'accomplir, Seigneur. Père, nous te supplions, oh Dieu. Seigneur, enlève dans nos cœurs, oh Seigneur, toute forme, Père, toute forme, oh Dieu, de distinction. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu. Seigneur, accorde-nous, oh Dieu. Accorde-nous, oh Seigneur, d'avoir des cœurs qui obéissent, des cœurs soumis à ta volonté, des cœurs soumis à ta volonté, Père. Des cœurs qui obéissent, oh Dieu, à ta volonté, ça a résonné, Père. Des cœurs qui obéissent, oh Dieu, à ta volonté, Seigneur. Père, nous te supplions, Père, nous te supplions, oh Dieu. Nous prions que le Seigneur lui-même nous donne ce cœur de brisement, ce cœur d'accepter son brisement à lui. Afin que lorsque quelques tribulations, quelques afflictions viendront à nous, que nous soyons toujours disposés à le glorifier dans cette souffrance. Afin que la patience en nous puisse, sa patience en nous puisse demeurer et croître et porter des fruits comme celle du Job. Mais nous devons l'avoir prié pour que lui-même nous donne cette force de pouvoir avoir sa pensée et de comprendre ses desseins pour mieux agir au moment opportun en respectant ce commandement. Père, au nom de Jésus, Nazareth, Seigneur, nous te supplions, Père, oh Dieu de grâce, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, la grâce, oh Seigneur, de nous accorder la grâce, Seigneur, oh Dieu, d'accepter ton jugement, d'accepter, oh Dieu, ton jugement, Seigneur, tu nous dis de regarder comme des preuves, comme un sujet de joie pour tes yeux. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, que nous accordons, oh Seigneur, d'accepter, Père, ton brisement, Seigneur. Nous voulons accepter, oh Dieu, de changer ton cœur, oh Dieu, Père, afin qu'elle accomplisse parfaitement, afin que la patience de son beau accomplisse parfaitement son œuvre, oh Dieu, Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, toi qui es le potier des mouvements. Sommes nous Seigneur. Oh Dieu, donne toute la forme, Père, qui te plaît, afin que nous puissions, Seigneur, être ce que tu as toujours désiré que nous soyons, oh Dieu. Père, donne-nous cette forme qui te plaît, Seigneur, afin que nous puissions, oh Dieu, être des instruments utiles à ton œuvre, afin que nous puissions être des instruments, oh Dieu, des phases de l'honneur, Père, utiles à toi, Seigneur. Père, nous te supplions, oh Dieu, ceux-là qui ne désirent plus les propres volontés, mais ceux-là qui désirent ta volonté, Seigneur. Père, accorde-nous cette grâce, oh Dieu. Accorde-nous la grâce, Père, de mourir, oh Seigneur, à nos propres intérêts, Père, afin que tu puisses vivre pleinement, oh Dieu, en nous. Seigneur, accorde-nous la grâce, oh Dieu, de mourir à nos propres intérêts, Père, afin que, Seigneur, ta vie puisse se manifester pleinement en nous, oh Dieu. Seigneur, nous te supplions, oh Père, accorde-nous cette grâce, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, amen. Amen. Père, demandons au Seigneur de nous donner ce cœur d'amour, afin que son amour qu'il a pour nous, nous puissions le refléter sur nos semblables. Qu'il soit païen ou chrétien, sur tout homme qui a l'image de notre Dieu, que nous servons et que nous adorons dans nos cœurs, que nous puissions vraiment répéter cet amour à notre semblable, car il dit lui-même, si vous-même vous gardez mes commandements, vous aimez votre prochain comme je vous aime. Prions, frère, pour son accomplissement dans l'autre. Oh Seigneur Jésus, nous prions pour que Père continue à élever la voix au du cœur ton amour, Père. Présentant nos dignités devant toi, oh Seigneur, présentant nos pères devant toi, oh Dieu. Nous prions, Père, toi qui nous as aimés déjà, oh Seigneur, que tu as aimé parmi tous nos amours, Seigneur, oh Dieu, nous voulons voir la manifestation de cet amour, oh Seigneur. Père, je vous remercie, oh Dieu, de tout cœur, de notre prochain homme, Père. Seigneur, que notre vie soit un témoignage, Père, de cet amour, oh Seigneur, que tu as manifesté, Seigneur. Père, que notre vie, oh Dieu, soit un témoignage de notre parole, de cet amour, oh Dieu. Seigneur, accorde-nous aujourd'hui, afin que toi-même tu puisses par ton amour lié à ton haut Dieu, afin d'accomplir ton but, Seigneur. Père, nous te supplions, que ton amour grandisse, que ton amour croisse dans ton haut Dieu, que ton amour croisse dans ton Dieu, que ton amour croisse tout en nous, afin que nous puissions, oh Dieu, aimer véritablement, afin que nous puissions, oh Dieu, créer véritablement un amour sincère, sans Dieu, Père. Regardez les yeux, oh Dieu, afin que nous puissions considérer tout ça, comme Père, afin que nous puissions considérer, oh Dieu, tout ce projet, comme nous-mêmes, Père. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu. Seigneur, tu as dit que nous sommes des femmes de la gloire et les maîtresses, oh Dieu. Donc, de manifester la supplions, oh Seigneur. Parce que si nous devons cher, merci Seigneur, parce que cette prière est notre volonté. Puis-tu, oh Dieu, reparle dans le cœur de chacun de nous, Père, le cœur de ma soeur, de ma soeur, de mon frère, Père, ton amour. Afin que ce soit pas ici, Seigneur, nous touchons au Dieu, à voir ce visage resplendit dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, frère. Amen. Amen. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et quoi que c'est un ouf de soulagement pour des frères là, qui ne sont pas habitués à s'agenouiller. C'est ça non? Il dit ouf. Les gens ils prient, s'ils disent trop. Hein, frère Amand? C'est un frère. Mm-hmm. Frère Amand, quel surplus, ouf, que ça finisse rapidement. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que aucun téléphone n'est allumé pour que ça dérange pour qu'on travaille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions? Ce n'est pas des questions. On ouvre la Bible, on nous laisse. Que le Seigneur dirige, là, il va nous diriger encore ce soir. J'ai une préoccupation, frère. Oui. En étudiant la parole, j'ai rencontré ceci. La parole déclare, nous ne devons pas découvrir la nudité de nos parents. Oui. Bon, je prends maintenant le cas où nos parents ils prennent de l'âge. Oui. Nous prenons même pas le cas de maladie. Oui. Ils prennent de l'âge. Oui. Au point où ils ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes. Oui. C'est à nous maintenant prendre la relève. Mm. Que ferions-nous en ce moment? On va rentrer à Bali, d'accord? Autre question? Tu as une question ici? Oui. Étant donné qu'il n'y a pas de vrai faux serviteur, les hommes qui disent que Balaam, qui a suivi, la Bible dit, un gang, il est honteux. Oui. Oui. Les hommes qui disent que le fait qu'il soit compromis comme ça, il n'est pas discrédité devant le Seigneur. Parce que c'est un prophète de l'Éternel. Oui. Mais tu sais que c'est un prophète de Dieu, non? Oui. Oui, quel est le problème? Il ne sait pas. Bien qu'il ait suivi un mauvais chemin, oui. Qu'il soit compromis, oui. N'en demeure pas moins. Il est prophète de Dieu. Oui. Oui. Quel est le problème? Le problème, c'est que. Que comment un prophète de Dieu peut se corrompre? Comment un prophète de Dieu peut se corrompre la sauce? Ok. Autre question? Oui, frère. Oui. Dans Colossiens chapitre 1, là, on dit. Bénissez le Seigneur de ce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres et il vous a transporté dans le royaume de son Fils. Je voulais savoir, lorsque par exemple on délivre un frère ou une sœur, je voulais savoir qu'est-ce qu'il s'agit de cette délivrance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le livre de ce même livre de Colossiens, là, la Bible explique qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres pour le transporter dans le royaume de son Fils. N'est-ce pas? Ça, c'est le royaume de la lumière. Ça veut dire qu'il nous a fait passer. Sous la puissance, on n'est plus dominé par la puissance satanique. Lorsqu'on explique le domaine d'un corps humain ou bien une guérison que tu obtiens, ça ne veut pas, c'est pas ce qu'on avait dit. On dit littéralement passer de la mort à la vie. C'est ça quand il est question dans le Colossiens. D'accord? Ça veut dire que tu n'es plus sous la domination satanique. Tu es la propriété exclusive du Seigneur. Ça va? Bon, donc, lorsque un frère est délivré, bon, il est d'abord frère. Avant ça, s'il est un frère, comme tu le dis ici, comme il est dans la Bible, il est d'abord comme Colossiens le dit. Il n'est pas sous la puissance satanique, mais il y a des portes qui permettent aux démons de puisse faire des incursions dans sa vie. Okay. Oui, frère. C'est fort. Vous avez décidé avec les questions. Hein? Oui. J'ai une préoccupation là, c'est pas un peu plus, mais là où Jésus l'avait appelé ses fidèles. Oui. Et puis il a dit que quand Pierre. On peut dire que mes chiens, toi, je ne lave les pieds. Là, les pieds, maintenant, vous ne comprenez pas, vous comprendrez. Jean, chapitre 13. Voilà. Oui. Je voulais savoir, quand il dit que celui qui est déjà, enfin, c'est plus. Il y a plus une autre, il n'a plus les pieds. Le lavage, là, c'est comment? Parce que je ne comprends pas. Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'esprit. Oui. Mais là, maintenant, il dit qu'il a seulement besoin de se laver les pieds. Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Rapidement, toi tu lis. Lis rapidement, on avance. En même temps, quelqu'un pose sa question. Tu voulais, oui, une autre question, oui. Quand l'apôtre Paul a lu des actes, qu'il a traversé toutes sortes d'épreuves, il a passé une journée dans la Bible. Je veux savoir si c'est juste un mot dans cette question. On a tapé un jour, il a cru qu'il était mort. Ah, d'accord. Continue ici. Ici. Oui, il y a parfois quand on lit dans Jean là. Oui. Bon, on voit le plus souvent quand le Seigneur utilise le terme porte. Donc quelque part il dit qu'il est la porte des brebis. Jean chapitre 10, oui. Oui, mais quelque part encore, il dit que dans ce Jean chapitre 10 là, bon en fait il utilise porte, mais quand on lit, on voit que porte là-bas n'a pas les mêmes significations. C'est-à-dire quoi? Bon. Que la porte n'est pas la porte. En fait, c'est parfois ça embrouille, il utilise, c'est comme si. Il faisait allusion à autre chose. Mais donc tu penses que Jésus est la porte? Oui. La porte, tu penses que lui il est la porte littéralement si. Il a désigné justement autre chose. L'entrée. D'accord. Il est l'entrée principale du ciel. Tu vas n'importe où au ciel, tu vas voir Jésus. C'est pour ça que vous allez voir des témoignages de quelqu'un dire que j'ai voyagé avec le Seigneur Jésus qui était là. Après voir quoi, peut-être que quand le Seigneur Jésus est comme ça, il n'y a personne au ciel. Et après c'est tout lui dit que devant le trône, c'était lui qui était assis. Comment il est. Dans ce même genre là, il est en même temps la porte, il est le berger, il est le chemin. Comment quelqu'un peut être là? On dit que le berger lui ouvre la porte, il marche au devant de lui. Pendant qu'il marche, sur le chemin que l'on a marché, c'est encore lui. Et c'est lui qui a marché devant, et c'est par lui qu'on est passé. N'est-ce pas, frère? Ça, c'est Dieu là maintenant. Oui, tu veux dire. Jean chapitre 15, verset 3, lis. Verset 3, déjà vous êtes pu à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, voilà comment ils ont été purifiés. Donc, dans ces Jean chapitre 13, il dit que vous êtes purs, mais non pas tous. Tous. Le Judas. C'est celui dont il parlait, non? Voilà.

Voilà, cette soldat romain qui est venu dire que non, ne viens même pas, je ne suis pas digne que tu viens chez moi. Parce que normalement, votre tradition juive ne veut pas que les juifs viennent chez moi. Je ne suis pas digne que tu viens sous mon autorité. Dis seulement un mot. Il s'est tourné aux autres. Il dit même en Israël, je n'ai pas trouvé de si grande foi. Donc en Israël, il a parcouru Israël, personne n'a essayé de foi. Comment ça a fait pour se retrouver chez un païen? Comment? Donc, Jésus est Dieu. Il fait comme il veut dans ses manifestations. Et tout ceci montre clairement que, il a dit, mon œil n'est pas encore, mon temps n'est pas encore descendu, ce n'est pas le moment où il va manifester ce miracle publiquement. D'accord? Mais pourtant, comme il le veut, il permet. Donc, même si Dieu ne veut pas faire quelque chose dans une dispensation, il peut quand même donner des bribes. Il peut donner des bribes afin qu'on sache qu'il est Dieu, qu'il est tout puissant et qu'il fait comme il veut. D'accord? On prend le séminaire. On peut y arriver. S'il n'y a pas de questions, je commence à répondre aux questions que vous avez posées. Oui. La Bible déclare dans Genèse là-bas que Dieu a créé les luminaires pour déterminer les temps et les moments. Bon, mais quand je regarde bien, je vois qu'il a créé les luminaires le quatrième jour. Oui. Mais avant le quatrième jour, il comptait les jours. Il y a une fille. Mais celui-là, Dieu, il peut dire quand il était. Tu veux faire quoi? Tu vas refuser. Puisque voilà ça qu'on a écrit là-bas. On a dit que c'est les luminaires. Qui est le soleil pour marquer le jour, pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit. Donc c'est le soleil et la lune délimitent le jour et la nuit. Il y a le calendrier lunaire, le calendrier solaire, n'est-ce pas? Mais la question c'est avant le soleil, on comptait les jours. Il t'avait demandé de compter, il t'a dit ça le gênait. C'est pas lui qui a dit à Moïse qu'il y a un jour, il y a un soir, il y a un matin, c'est plus le premier jour. On va lui demander que le soir était comment, le matin était comment, c'est votre problème. Mais il a dit que c'était un soir, le matin. Parce que la question c'est, avant que les luminaires qui marquent le temps soient là, comment encore? Il n'y a pas de gens pour avoir de l'ambiguïté. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous avons ça, donc on ne peut pas avoir d'ambiguïté. Mais c'est lui qui a dit qu'il fut un soir, il est matin, c'est fut le premier. Oui. Autre question? Je voulais revenir encore sur son temps là. Oui. Parce que comme les gens de Moïse ont appuyé, Jésus marche en ce moment. Ils sont d'abord disqualifiés. S'ils s'appuient sur n'importe quelle écriture pour dire n'importe quoi, pour faire n'importe quelle décadence, ils sont disqualifiés d'abord. Oui, je voulais dire ceci. Mais parle-moi en posant la question sur les chrétiens qu'eux-mêmes utilisent ça, c'est ça que c'est intéressant. Parce que si c'est un mondain, il ne commande pas la pensée des mondains. Si un mondain dit même que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, il est disqualifié. Pour le chrétien. La seule chose qui va ouvrir de la Bible, c'est pour dire Seigneur, pardonne-moi. C'est ça, parce que ça passe son droit là-bas. Mais pour le chrétien, comme les chrétiens sont encore approchés. Oui. Je me pose cette question-ci. Dieu lui-même qui dénonce le vin. Oui. Disant que c'est pourquoi il fait ça? Oui. Voilà. Et en faisant ce vin, est-ce que ce n'était pas le raisin pur comme le dit son non, frère, c'était vrai. Parce qu'on dit que la personne qui a goûté le vin, il était un habitué. Il a dit que merde! Il avait expliqué comment ça se passe souvent chez eux, non? Que les gens, normalement, quand ils ont deux styles de vin, ils donnent d'abord, quand les gens sont ivres, ils donnent dans le mauvais pour que les gens boivent ça. Mais tu as gardé le bon jusqu'à là. Donc ça veut dire qu'on maintenant, on peut être ivre. Oui, c'est ça que je t'ai donné. Quelle est la question? N'essayez pas de protéger Jésus en disant qu'il a donné le jour. S'il donnait ça là-bas, la fête, personne ne prendrait. Parce que je disais que mais lui qui connaît tout, lui qui est seulement le bien, oui. Et tu donnes le vin pour créer ses livres. Genèse. Il y a des gens qui lisent la Bible, il fait comme s'il veut protéger Dieu. Quand c'est dit que c'est fort, dit que c'est fort que Dieu a fait ça. D'accord, frère? N'essayez pas de protéger, dis ce que la Bible dit. Il y a des gens qui vont aller contourner que non, ici il n'y a pas le vin, c'était pas. On dit clairement que c'était. Mais les gars ont vu, c'était fort là-bas. Mais la plus grande des choses dans cette soirée, il a dit donner-leur à boire. Ses disciples étaient avec lui. C'est ça qui est pour eux. Ses disciples n'ont pas bu, c'était là-bas. Il a dit donner-leur, pas vrai? Amen. Amenez-leur qu'ils boivent. Il était avec ses disciples de l'autre côté. Et il montait aussi avec ses disciples à la fête. Le vin étant fini, on est venu le voir. Donc les gens qui fêtaient se sont rendus compte que le vin n'était pas là. On est venu voir Jésus et ses disciples. Il a dit qu'il allait faire ça, donne-le aux ordinateurs de repas. Il a donné à lui. Les gars ont bu. Ses disciples étaient là. Ses disciples à lui étaient là. Ça lit la Bible si autrement. Là. Ok. Genèse. Chapitre 9 de Genèse. Quand vous posez la question, posez la question à haute voix. Et lisez à haute voix parce que je ne peux pas voir. On ne peut pas laisser les paroles s'étendre comme ça. Je me sens déjà à l'intérieur. Verset 20, regardez. Je vais prendre d'abord le verset 18. Nous sommes dans Genèse chapitre 9. Je vais lire le verset 18 et suivant. Les fils de Noé

L'apôtre Paul dit la même chose, pas vrai frère? Amen. Il a même donné le renseignement que quand il a vu le livre, il a vu le nom de telle personne, n'est-ce pas frère? Amen. Il peut vous dire quelque chose? Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Mm-hmm. Continuons les questions. Il peut vous dire quelque chose frère? Amen. Il peut vous dire quelque chose? Amen. Vous, jusqu'à ce que vous me regardez vraiment comme votre frère? Amen. La chose qu'il veut vous dire, c'est que je vous aime. Amen. Amen. Si vous restez dans cet amour, quelque chose se passe de l'autre côté. Amen. Amen. Uh-huh. Oui, des questions? Frère. Oui. Sentez-vous libre, d'accord? Mm-hmm. Ces soirées, c'est relax seulement. Si vous étiez ce dimanche, qui était ce dimanche? Parmi vous, qui était ce dimanche? Mm-hmm. Tu étais dimanche. Comment ça résolve? Quand tu rentres maintenant, tout est calme, n'est-ce pas? Il va parler à haute voix, celui-ci. Non, c'est que je suis en train de... Bon, après quand je suis rentré, le lendemain, je vais rester moi. Voilà. C'est ce que Dieu va faire et c'est ce que Dieu fait. Vous ne pouvez pas être dans cette présence-là, rentrer indemne. Oui, frère, oui. Tu es hospitalisé là. Oui. Donc aujourd'hui, c'est relax. Posez des questions. Oui, frère, je vais demander ceci. Déjà, nous savons que le vin est mauvais. Oui. Attends, pourquoi tu viens toujours sur le vin? Il y a un moment où redonne ce soir du mariage. Je vais mettre un bon clair sur ça. Oui. Et c'est sûr que les gens dérangent ces garçons-ci au bureau. C'est mal. Maintenant, okay. Nous ne pouvons pas donner aux autres parce que nous savons que c'est la destruction du corps. Okay. Maintenant, quelqu'un dit, bon, comme tu me donnes, pardonne-moi le jeu. Okay. Toi-même, encore, tu sais encore que le jeu, encore, c'est encore terrible. Oui. On t'a ça de toutes parts. Je n'ai pas encore donné le jeu. Je veux savoir maintenant comment le fuir directement. Alors, bon. On doit aussi le dire une fois la même chose, que même ça, c'est encore plus dangereux. Laisse-toi conduire comme tu as été conduit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et tu subis ce que tu dois subir. C'est quoi, frère? Mm-hmm. Autre question concernant le vin. C'est terminé. Frère, si un parent ou bien quelqu'un t'envoie de l'acheter le vin pour lui. Si, comme tu poses la question pour moi, moi, j'aime pas. Parce que si un parent t'envoie, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Pardon, frère. Tu m'as posé la question pour moi, non? Repose ta question. Si un parent t'envoie, m'envoie, non. Son enfant, par exemple, qui est fait. Parce que toi, il m'envoie, moi, je donne ma position. D'accord. La Bible est claire dans ses Romains, Matthieu chapitre 7, verset 13. Fais à autrui ce que tu aimeras qu'on te fasse. Ou mieux encore, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse. Dans tous les sens, ça veut dire la même chose. Je n'aimerais pas qu'on me donne l'alcool, je ne donne pas aussi à quel. Ça, c'est la loi. Pas vrai frère? Amen. Fais à autrui ce que tu voudras qu'on. Est-ce que la commission s'est donnée? Non, j'arrive. Okay. Je ne peux pas envoyer quelqu'un acheter là. D'accord. Il n'en sait pas aussi comment. Amen. Hein, non, frère? Comment tu gardes la tête encore? Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Des questions? Oui, frère. Ma question que j'ai posée tout à l'heure. Il arrive pour la nudité. Oui. Lorsque Dieu a créé tous les animaux, là, il a amené les animaux à. Devant Adam, pour qu'Adam lui donne le nom. Mm-hmm. Bon, c'était mâle et femelle. Bon, maintenant, dans Genèse chapitre 3, on dit le serpent a séduit Ève. Mm-hmm. Et après, Dieu a changé la nature de ce serpent-là. Bon, et qu'en est-il pour sa femme, pour la femelle du serpent? Puisque elle. Puisque si cette race est répandue, s'est développée jusqu'à aujourd'hui. Bon, la femme de la femelle du serpent, comme ce n'est pas elle qui a séduit, je veux savoir si elle est restée comme elle était ou bien. C'est grave sur lui. Hein. Je pose une question. Regardez bien la question que je vais poser maintenant, doucement, d'accord? Vous allez aller au champ, n'est-ce pas? Qui va mieux voir cultiver au champ? Vous savez, il y a des espèces et des herbes au champ. Quand vous passez, ça vous touche, ça démange. Vous pensez que c'était au commencement? Le mieux que vous me répondez, si vous ne répondez pas, moi j'avance. C'était au commencement. C'est mais est-ce que ça grattait les gens? Non. Répondez-moi simplement. On ne connaît pas. Non. Tu ne connais pas comment tu n'es pas au commencement comment? Je... Il y a des principes que vous voulez savoir. À partir de ces principes, vous n'avez pas besoin d'être là. Il y a des principes que Anne sache. Si vous connaissez ces principes, vous pouvez savoir oui ou non. Il y a des herbes, donc vous allez au champ, ça vous touche, ça démarche. N'est-ce pas? Mm-hmm. Ou mieux comme la chenille, il y a des chenilles que ça vous touche, ça démange, ça gonfle, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'était au commencement. Oui. Donc ça pouvait démanger quelqu'un au commencement. Oui. Créer des problèmes. Oui. Au commencement. Non, au commencement.

Puisque même les démons partent là-bas, ils cherchent où pas habiter, ils ne trouvent pas. C'est pas ça, frère. Amen. Parce que là-bas, tu peux pas habiter dans le sable. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors lui, il dit qu'il rentre encore dans la population. Donc, quand vous avez ces cactus-là avec les piquants là-dessus, ce piquant, c'est dit Dieu. Dieu dit que si la terre a produit ça à l'issue du péché, à cause du péché. C'est ce qu'on vient de dire là. Que la terre te produira des ronces et des épines. La terre te produira. Donc, ça ne produisait pas encore. Donc, les épines n'étaient pas au commencement. C'est venu à l'issue du péché. Il peut vous prendre ça à développer. Il étend donc sur toute la nature. Bon, revenons à notre Lévitique 18, là, avant qu'il n'en dans une chose qui va vous faire compliquer la vie. Vous imaginez que Adam va dans le jardin avant le péché, il va tendre la main pour cueillir une belle fleur pour donner à Ève. Il dit, aïe, ma main a été piquée, ça ne pouvait pas se retrouver au commencement. Mais tente maintenant une rose, que pendant que tu tends la main, quelqu'un te dit que bonjour, tu dis bonjour, tu regardes, tu vas savoir de quoi la rose là parle. Chapitre 18, verset 1 et suivant. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Qu'est-ce que vous en dites par rapport au verset 9? Verset 9, vous pensez quoi de ça? Qu'est-ce que vous pensez? On avait dit quoi là, dans le verset 9? On doit pas découvrir la nudité de notre sœur. De notre sœur. De notre demi-sœur. De notre demi-sœur. C'est ça? Oui. Ça se entend que quelqu'un ne veut pas prendre pour femme sa demi-sœur. Que pensez-vous d'Abraham et de Sarah? Comment? Avant la loi. Ce qui est péché dès le départ est péché. Amen. Tu veux que j'avance ici quelque part? Allons-y rapidement quelque part là-bas. Attends. Verset 22. Lis-moi le verset 22. Toi qui as parlé. Allons-y. De même, oui. Il fait un bond en avant pour que tu me dises. Allons-y. Tu ne cocheras point avec un homme comme on coche avec une femme. C'est une abomination. On appelle ceci quoi? L'homosexualité. Donc, c'est le péché ou c'est pas le péché? Le péché. Pourquoi as-tu détruit ce nom et comment? Il y avait la loi. Oui. Il y avait la loi à ce moment-là. Non, pas la loi. Dans ce cas, pourquoi il péchait? Pourquoi il faut considérer ça comme péché? Puisque il prend d'après. C'est toujours votre parole qui me fait parler. J'ai lu ici. Il dit que j'ai dit verset 9, on a dit tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison. N'est-ce pas? Amen. J'ai dit que, ok, qu'est-ce que vous en savez? Vous dites que ça veut dire qu'on ne doit pas épouser sa demi-sœur. Il dit, qu'est-ce que vous dites d'Abraham? Vous avez couru rapidement que Frère Junior, tu ne savais pas que c'était avant la loi. Il a dit, ok, pas de problème. Je prends aussi un événement qui a eu lieu dans cette même période-là, puisque c'est même Abraham qui intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Les hommes couchaient avec les hommes. Voici ça, c'est le verset 22, où on dit que tu ne coucheras pas ainsi. Pourquoi il a puni Sodome sans punir Abraham? Il dit, vous allez lire votre Bible ici. Voilà, Abraham, il descend comme ça, il cause avec Abraham qui a épousé sa demi-sœur. Et quelqu'un va même toucher même à sa demi-sœur. Il dit que cette femme-là, elle a un mari. Et le mari, là, est profane. Il va être traité ici, tu vas voir. C'est ça, frère? C'est ça. Pourquoi il ne le punit pas? Il a dit clairement ici. Il a commencé en introduisant ce chapitre en disant vous ne pratiquerez pas quoi que ce soit que vous voyez en Égypte, là où vous sortez, ni ce qui se passe là-bas, là où vous en. Vous avez une certaine façon d'agir. Mais c'est mes ordonnances à moi que vous devez marcher et mettre en pratique. C'est ça? C'est ça. L'homme qui mettra en pratique vivra par elle. Donc, si vous pratiquez les mots, c'est ce terme, il fait comment? Il frappe comme il a frappé Sodome et pourquoi il n'a pas frappé Adam, Abraham? Faut me répondre, frère. Comme les filles de Noé. Quelqu'un Noé? De l'autre ou Noé? Oui. Les premiers enfants de Adam ont fait ça. Quoi ça? C'était pour peut-être à cette époque-là, il permettait encore cela pour étendre. Pourquoi on a détruit Sodome et Gomorrhe alors qu'il n'y avait nulle part qui interdisait ça? Parce qu'ils étaient gentils.

selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Dieu a besoin de descendre sur le plat pour aller faire l'investigation. Non. Alors, il dit, selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Donc un bruit est venu vers lui. Qui a crié pour que Dieu dise que, pour qu'on dise que Sodome, les Sodomies pêchent tout, Seigneur, Seigneur, Seigneur, les Sodomies pêchent tout, c'est grave là-bas. Descends, vois toi-même. Qui criait? Les prières. Les prières de qui, frère? L'autre. Hein? Qui priait? Je dis que les oiseaux, les cris, ils emportent les cris, les... Bon, tu fais comme il dit tout à l'heure, que mettez-vous à genoux. Ceux qui subissaient le péché. Il n'y avait que l'autre là-bas. On dit dans 1 Pierre qui tourmentait journellement son âme juste. Quelqu'un t'a dit que ça le dérangeait là-bas. On ne violait pas quelqu'un là-bas. On a dit depuis petit jusqu'au plus grand, tout c'était comme ça. N'est-ce pas, frère? Ce qu'il veut dire, c'est que voici les gens, on dit que le cri contre eux est venu. On s'attendait à ce que Sodome ait une loi qui les interdit de faire cela. Il n'a pas de loi, mais Dieu dit que le cri, ça n'est pas péché. N'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Donc, tu lis Lévitique 18. Tu restes doucement, d'accord? Alors, dans 1 Pierre, prenons un sujet ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelle heure il est, si il ne doit pas vous retenir pour longtemps. Ou bien, continuons avec les questions. Posez des questions. Et moi, c'est les questions. Videz vos sacs, videz vos poumons et votre cœur. Sortez de votre ventre et videz-en. Ou s'il n'y a pas, je vous en pompe. Le livre, si tu l'as pris où? Non, va déposer là-bas, c'est pour les traditions du monde nouveau, c'est pas pour toi, tu ne dois pas t'en sortir, d'accord? Faut dire à ton mari que achète-moi une Bible. Donne-toi, dis à ton mari que achète-moi une Bible. Même comme j'ai derrière mon téléphone. Oui. Il faut une Bible où tu peux souligner, d'accord? Donc, prends la blanche là. Des questions, frère? Oui, frère. Oui. Dans Romains, j'avais trouvé que Dieu a condamné le péché dans la chair. Oui. Ça veut dire que l'homme était soumis au péché. C'est ça, mon frère? Puisqu'elle est la chair. Voilà. Mm-hmm. Bon, mais quand on regarde, par exemple, la vie des acteurs de la Bible, là, oui. On regarde peut-être Daniel, Moïse, on regarde que... Leur vie, en fait... Ils ne vivaient pas dans le péché. Oui, frère. Oui. Mais bon, pourquoi, puisque la loi, c'est depuis Adam, le péché est entré. Oui. Mm-hmm. Pourquoi ce péché-là n'avait pas aussi entré sur eux? Qui a dit que le péché n'avait pas entré sur eux? Qui a dit que ça n'avait pas entré sur eux? Dans le dernier chapitre, il dit clairement, il résolut en lui-même de ne pas se souiller avec les remèdes que les autres font. Il a demandé la grâce à Job de les remettre pendant les 10 jours d'essai là. Je n'ai pas mangé ce que les autres mangent, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il savait que ce qui était bien devant Dieu. En plus, il était prophète. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. La question maintenant, c'est pourquoi dans notre temps, s'il y a tellement ces choses, Satan sait que c'est l'époque de la fin. De là, multiplier la séduction, ou si c'était parfois 100, il a multiplié à 400 000 maintenant. D'accord? Les choses sont tellement séduisantes et tellement vaniteuses maintenant. Avant, pour trouver une jeune fille qui était belle, on dit que oh, Sarah était belle de figure. Il y a des femmes qui sont plus belles maintenant 400 000 fois que Sarah. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc, mais nous sommes donc, cette caractéristique de beauté universelle qui se trouve maintenant. Il y a même des gens où vous dites Miss France ou Miss Amérique, tu le regardes comme ça, une fille de ton quartier est plus belle qu'elle. Pas vrai, frère? Hein? Ouais. Tu te demandes comment on allait chercher celle-ci, ou oh, jusqu'à ce qu'on dit qu'elle est belle. Elle est tordue comme ça, là, tu dis que c'est Miss. Donc, la femme la plus belle, c'est celle-là. Alors qu'il y en a tellement ici. Regarde les jeunes enfants, quand une petite fille, regarde justement les petites filles, tu les vois alignées comme ça, tu comprends que la génération suivante est en danger. Il dit, tu vois la beauté des jeunes petites filles. 2 ans, tu les vois de la façon que c'est belle. Tu dis, oh, les garçons sont finis dès le départ. Voilà les voilà qui arrivent. Donc, en ce temps-là, il y avait de moins en moins de beauté. Par conséquent, les gens ne pêchaient pas n'importe comment. Il était question même que si on voit une fille, pour qu'on puisse intenter des incursions contre là, on devait passer par les parents. Il y avait des normes. C'est pour ça qu'en Israël, il y avait tellement les jeunes filles vierges. Tellement de jeunes filles vierges. Va savoir maintenant comment les filles. Tu dis, 14 ans, tu demandes si elles sont vierges. 9 ans, quelqu'un a 2 enfants jumeaux, n'est-ce pas, frère? Notre génération, il dit 9 ans, quelqu'un accouche. C'est l'époque de séduction.

Si vous lisez bien votre Bible, vous saurez que c'est comme ça. Il finit d'expliquer. Joseph ne ferme pas les yeux pour dire cha. Wow. Il sent la chair des poules. Non. Il ne peut pas ça. Il se tient là. Ce qu'il déclare, c'est ce que le ciel déclare. Pour qu'il fasse ça, il faut qu'il soit là. Souvenez-vous, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il est prophète. Et s'il est prophète, il assiste au conseil. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles. S'ils avaient assisté à mon conseil. Donc, quand le conseil s'est réuni, si c'était là, il devait entendre ce qui a été décidé au conseil, frère. Amen. Vous voyez, il devait faire entendre les paroles de mon frère. Parce que c'est au conseil qu'on décide cela. Article 1er. Sont pour compter de la date des présents jours nommés au poste sur la presse. Pharaon, tu es décrété à subir les peines capitales. Moïse savait cela. Il parle maintenant, ça c'est solide. C'est pour les prophètes. C'est les prophètes qui peuvent savoir ces choses-ci. Les autres évangélistes, autres là-bas, apôtres et prophètes savent de quoi ils sont de parler. L'apôtre Paul en a parlé. Il connaît un homme qui est là, 14 ans, fut ravi en esprit. Si c'était dans son corps, il ne sait pas si c'était au corps. Et qu'il a entendu les paroles qui n'est pas permis de Ozongo. Vous entendez cela? C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Il a entendu les paroles. À cause de l'excellence de ses révélations. On lui donne le plan. Il s'est assis là au conseil. Quand dit Paul, tu as été déclaré. Choisi, il a dit que, avec ses propres mots, il a dit que de celui qui m'a élu, moi qui étais fils de vos pécheurs, afin que les générations suivantes puissent voir en moi la miséricorde de Dieu. Il a fait de moi prédicateur. Il dit, malheur à moi, c'est l'annonce par cet évangile. Il dit, ce que je vous annonce, c'est par révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il a dit, les choses que tu as vues, c'est pourquoi je t'apparaîtrai. Vous avez vu ça, frère? C'est tiens, là, on lui dit, ok, tu as été destiné, et il lui a même dit ça physiquement, que tu as été destiné de voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Dans le conseil, tu es invité. Tu as été choisi pour venir au conseil de Dieu. Je vous parle des puissants de notre siècle, des puissants des siècles à venir là maintenant, frère. De ces choses du royaume. Alors, lorsqu'il est invité là, il s'assoit là, Jésus lui dit, voici ce qu'il y avait sur le cœur depuis. Comme tu vois l'Ancien Testament comme ça, c'était l'ombre des choses. Il dit, ah bon frère, ah bon Seigneur, il dit oui. Telle chose voudrait dire telle chose dans les Écritures. Tu as suivi, il dit oui. Telle chose voudrait dire telle chose, ça signifiait telle chose. Tu as bien compris, il dit oui. Dit au peuple que j'avais mis cela dans un temps précis pour que maintenant ça soit révélé. Tu comprends? C'est pour ça qu'il a dit qu'en les lisant, vous pouvez avoir les bribes de ce que de la connaissance que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'a pas été révélé autant comme il a été maintenant. C'est ces choses que mon grand frère parle. Assister au conseil. Dans ce Jérémie chapitre 23, il a dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple pour les détourner de ses voies. On ne se lève pas n'importe comment pour aller. Parce que quand les gens qui parlent de l'école théologique, non, ce n'est pas à l'école théologique qui va aller, c'est au conseil de Dieu. On n'envoie pas l'invitation là-bas, c'est celui qui t'invite en sa présence. Donc Joseph se tient là-bas, quand Banque Pharaon de parler, il est au conseil. Et qu'est-ce qu'on a décidé ici, frère Seigneur? Il dit que c'est arrêté. C'est tout. Il dit, comme tu as vu cela, voici l'interprétation. Dieu appelle la famine sur la terre. Frère, on apprend ça en prison. Il y a un ministère en prison pour apprendre l'interprétation des songes. Comment il a fait, donc, frère? Il se tient là-bas, il dit que Dieu appelle, dans ce son-là, vous voyez la famine quelque part, Dieu appelle la famine sur la terre. Comme tu as vu cette bœuf ici, on dit qu'il y aura d'abord 7 années d'abondance. Après cette 7 années d'abondance, la famine qui va venir, vous n'avez pas souvenir que vous avez une troupe de nourriture sur la terre. Il dit, comme tu as vu ça répété 2 fois, ça veut dire que c'est arrêté devant. Donc quand tu as fini la réunion, là, il dit que signé, arrêté. L'intention de n'importe qui sur la terre ne fera rien. Il a fait la dépose là-bas. Vous allez subir la famine sur la terre. La question c'est, pourquoi Dieu décide subitement au ciel qu'il y aura la famille sur? Ça, c'est un grand problème, pas vrai? Comment au ciel, eux, ils marchent tranquillement là-bas. Ils n'ont pas de sécheresse ni quoi que ce soit là-bas. Ils décident chez nous, ici, là, que vous devez avoir faim sur la terre. Il dit même plus tard dans le livre de Job que leur variation varie selon ses destins. Donc, il décide que cette année, s'il va faire chaud, que vous allez voir vos mamans sur la terre. Il décide seulement comme ça que ça va chauffer sur la terre, ça chauffe. On dit que les neiges, la pluie, autres là-bas, obéissent à sa volonté. Il veut les faire varier selon ses desseins. Donc, s'il veut qu'il y a une inondation sur la terre, il dit, cette année, inondation. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite quelqu'un sur la terre qui vient accéder à ce conseil. Dit à la terre, prêche aux êtres humains que, attention, il y a une inondation qui vient de venir. La question, c'est pourquoi Dieu fait. Dans le Nouveau Testament, dont le prophète Agabé se tient aussi au milieu de l'assemblée, se lève. Il annonce que, par l'esprit, qu'il y aura une famine qui arrive. Pourquoi Dieu amène la famine sur... C'est pas, je ne parle pas de conseil. Donc, allons-y dans ce livre de un roi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai donné quelque chose donc, du royaume. Quelque chose du royaume. J'arrive un de ces jours. Si Dieu permet que j'en parle de ces choses, je vais vous parler de conseil. Du conseil.

c'est ce qu'il disait était faux dès l'entrée. Parce que normalement, si c'était des prophètes authentiques de Dieu, s'il dit quelque chose selon l'ordre de Dieu, il n'y aura plus de doute. Il devait seulement avancer. Parce qu'il a dit que consultons la parole de l'Éternel. 400 personnes disent. Il pose encore une attitude pour personne. C'est pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent là. Parce que quelque chose semble faux. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ils sont tellement raffinés que quand ils parlent, tu comprends que les gars sont entendus. Ils sont allés à l'école et proviser que quand tel père, quand celui le maître qui a enseigné, le même esprit tombe sur les gens. Aïe aïe aïe aïe. Hé hé. Je te vois rompre le joug maintenant sur vous. Oh, je vous aime, Jérusalem, Jérusalem, je vous aime, purifiez-vous. Je suis avec vous. Je suis, tu parles. Le roi d'Israël, verset 8, répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourra consulter l'Éternel. 1, 2, 3, lisons ensemble. Oui. Oui. Fils d'Injim là. Non, c'était Bamiliki. Donc, il savait qu'il y avait quelqu'un, mais il n'aimait pas la parole de celui-là, parce que quand celui-là sort, ça pas qu'il dit « Ainsi parle l'Éternel, ce qui va venir là, sera contre ce qu'il lui veut. » Donc, mieux il entend, « Ouais, l'être humain, n'est-ce pas ?» Ça veut dire que même si ce qui va aller mourir, il aimerait que quelqu'un dise que « Va, tu ne mourras pas. » Il dit qu'il est prouvé, parce que ceux-ci ont dit « Monte. » Et ceux-ci, ceux-là parlent, ça sera « Ne monte pas. » Mais comment quelqu'un aime, je ne sais pas comment l'être humain, vous-même voyez, tirer les conclusions qui peuvent s'imposer. Il dit, il y a une autre partie, on peut consulter là. Il dit même la parole de Dieu. Donc ça veut dire que l'Éternel peut venir là-bas. Donc il croit peut-être que si la parole vient, ça vient par Miché. C'est méchant poulpe. Quand ça sort, ça parle. Vous voyez, il n'y a pas la révélation que cela parlait par un autre esprit. Il pensait que quand Dieu passe par Miché, Miché est tellement Dieu qui transmet même mal le message. Mais cela dit ça bien. Mais regardez bien, il dit, je le hais. Car il ne prophétise rien de bon. Ça dit que pasteur. Dis-nous que je vais réussir. Et la Bible déclare qu'au dernier temps, les prophètes vont venir comme ça pour les prophétiser. Donc les gens comme les Akab comme ça seront là sur la terre et vont dire oh, tu vas réussir, dit Amen. Mm-hmm. Ministre des Finances, signe un protocole d'accord, donne-lui 5 millions. C'est pour ça qu'ils peuvent être proche de la présence pour qu'ils entrent sans maladie, ils soient avec maladie. Mm-hmm. Tu crois que c'est la Bible qu'on lui a offert alors que c'est le billet. Maintenant, on dit c'est Michel fils d'Injim là. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Vous avez cela? Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Miché, fils d'Injim là. Donc ça veut dire que dans le rassemblement des faux prophètes, il n'était pas le parmi. N'est-ce pas frère? Amen. Dans cette école là, il n'était pas parmi, il était seul dans son coin. Mm-hmm. Parce qu'il avait refusé de participer à la mission de la sorcellerie réunie sous Akab, n'est-ce pas? Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Attends, il me lève, je vous montre. Quand les gars étaient assis sur le trône, quand les deux sont assis, ils disent Josaphat, Josaphat, quoi Josaphat, Josaphat, Akab, le grand roi, quand il est comme ça, Akab dit que le ministre des Finances donne l'argent. Ah, les prophéties sont encore, ainsi parle le Seigneur. Qui peut toucher ces dehors? Ah, hey, aïe, aïe, aïe. Tu es inébranlable. Quelqu'un te touche, là, touche les premiers de mes yeux. Ainsi parle le Seigneur, quelqu'un te tente ici dehors, me sentir. C'est moi qui le donne. Comment, frère? Vie éternellement. Vie éternellement, oh roi, que quelqu'un tente. Même un cheveu blanc ne sortira pas, même quand il a les cheveux blancs sur la barbe. On dit qu'il était devant lui, il prophétisait. On n'a pas dit qu'il restait. Il prophétisait parce que vous savez, les prophéties, il y a les chansons. Mm-hmm. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est ça. On chante des chansons, c'est les prophéties. D'accord? Vous avez lu ça, n'est-ce pas, frère? Voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous dites voilà comme ça, oui, comme ça, pour me faire que continue ton histoire. Parce que n'importe quoi, il demande, vous dites seulement oui. Après, il pose la question, la personne répond. Maintenant, on dit, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Verset 11. Sédécia, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Vous avez vu? Donc les gars avaient le truc de l'ancien prophétique, comme les gens sont déjà avec les bagues. L'autre dit que la bague, si. Wow. Il y a c'est un cristal de cristaux qui était sur le chevet de Jésus, même quand lui ne voit pas cela. L'autre dit que l'huile d'ancien, si. L'huile d'olive, si. La racine de l'huile d'olive, si son origine sur le mont des oliviers, où Jésus avait prié la dernière prière, ça, c'est gouttes d'huile sont tombées là. C'est ça qui est entré dans l'huile d'olive, si. Les gens disent, ah, le prophète, il dit oui, donne-moi cette huile là. Oui. C'est l'essai de Kenana, c'était fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Pose la question, il prophétisait oui ou non? Et c'était le nom de Dieu, oui ou non? Oui. Dieu n'était même pas passé par eux-mêmes à 10 km. Et tous les prophètes prophétisaient des mêmes en disant, monte à Rama en Galate, tu auras du succès.